l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau, pas bien, j'étais bande à part et boudeur. Je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné. Je m'imaginais que César, je m'imaginais qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, venait m'inspirer dans ma chambre. Avec mes mains derrière le dos, j'étais frileux, j'étais fiévreux. Je portais déjà mon chapeau et j'étais déjà malheureux. Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné, Napoléoné. Devant le siège de Toulon, à l'Audi comme au pont d'Arcole, toujours, toujours Napoléon se rappellera qu'à l'école. À l'école quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la baïonnée. Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon, Napoléon.